fais un gros popo. L'habitude est low. J'suis sous grosse vélo. J'suis sous grosse moula. Tu fais le boubou, reste tranquille. Le mec du doudou, reste tranquille. J'dis que doudou, le sang j'empile. J'leur recroque le coucou comme un vampire. J'fais mal comme Ben Arfa ou Dembélé. J'suis devant le mic, on me dit dengueulé. J'fais ma vie à l'aise, ils veulent m'interpeller. J'aimerais me voir derrière les barbelés. Ça se passe, y'en a qui passent aux assises. Y'en a qui guettent sur la chaise assise. En mode ghetto, ghetto, non y'a rien de facile. Non y'a rien de facile. Mais tout, j'suis dans les temps. Tant qu'un bois un coup, j'vois toujours les dents. Je me méfie tout, je suis dans les temps. Quand tu vois un coup, je vois toujours les dents, dents. Une vie de dingo, ça veut les bimbo, l'argent du bingo, ça veut récupérer le bendo. Par balle sur le mango, c'est la mentalité de toi, notre bingo. Elle t'a chopé, elle tâche de passer. T'as trop cassé, t'as le dos cassé. T'aimes pas me faire la morale. Même de ces quatre en mourage. Parle pas, tes potes font la chorale. J'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras. Blim, blim, c'est le bruit du Audis. Pour les M maladies sur les kilotis. Ah, sur la minuti. Ce soir, j'suis avec ma Monica Bellucci. Scotché, j'suis week-end à Saint-Tropez. J'suis vénère, viens pas me choper. Y'a le buzz, mais je suis OP. Mentalité de toi, no tengo, no tengo, no tengo.